étais parti. Tu nous avais fait une drôle de comédie. Tu pleurnichais sans arrêt dans nos bras. À présent tu ne penses qu'à retourner là-bas. Oh, Pamela, on est content pour toi. Pamela, Pamela, comme tu as changé. Tes yeux sont moqueurs et ton rire est léger. Tu t'habillais avec n'importe quoi. Des robes à présent, tu en as tout un choix. Oh, Pamela, on est content pour toi. Moi qui t'ai connu timide et effacé, dis-moi ce qui s'est passé. Je suis, tu le sais, ton amie de toujours. Est-ce le voyage ou l'amour? Pamela, Pamela, tu veux t'amuser. Toi qui jamais ne sortais autrefois, dans tous les endroits à la mode on te voit. Oh, Pamela, on est content pour toi. Où as-tu donc déniché ce nom-là? Tu t'appelais Corinne et maintenant...